mbariki. Que Dieu vous bénisse. Na salimu kila mmoja asubuhi ya leo mungu na Yesu Kristo. Ce matin, je salue chacun de vous dans le nom de notre Saint Jésus Christ. Na salimu banduku, bandada, mbari, karibu, bale bana tufuata kwa njia internet na radio. Et je salue les frères et sœurs qui nous suivent de loin par la voie de l'internet. Je les salue dans le nom de notre Saint Jésus Christ. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na pigi asante ba chungaji yenu. Je dis merci à vos conducteurs. Après mashiku ya mingi. Après plusieurs jours. Balisema nikuye niubiri neno ya Mungu. Ils ont dit que je vienne prêcher la parole de Dieu. Aina mimi nilisema. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nikuye niubiri kwa hii mashiku. Pour dire non que je vienne prêcher ces jours-ci. Hapana ni bo Mungu aliwaongoza. Ce sont eux qui ont été conduits par Dieu. Na inanifanyaka mzuri sana. Et ça me fait toujours du bien. Kama batumishi wanaongozewa kuniita juu ya kuhubiri. Lorsque les serviteurs de Dieu sont conduits à pouvoir m'inviter pour venir prêcher la parole. Nashikiaka bien. Là, je me sens bien. Na pigia kanisa asante. Je dis merci à l'église. Namna vile mlianza kuja au courant ya semaine. La manière dont vous veniez au courant de la semaine. Juu ya kushikia neno la Mungu. Pour écouter la parole de Dieu. Mungu bantu bazuri. Vous êtes de bonnes gens. Il y a certaines églises, quand vous y prêchez, les gens ne viennent pas. La façon dont vous veniez, franchement, que Dieu vous bénisse richement. Je dis merci aux serviteurs de Dieu. La maison où on m'a conduit pour y être logé, il est quoi Mzuri sana. Je n'ai même pas voulu quitter cette maison. Ce matin, je leur ai dit que je me suis vraiment habitué à vous. J'aimerais rester seulement chez vous. Mais, voilà, Kini, sur cette terre, nous nous séparons toujours. Il n'y a qu'un seul endroit où nous n'allons plus nous séparer. C'est là où nous nous préparons pour y aller. Que Dieu les bénisse richement, qu'il bénisse le frère, qu'il bénisse la sœur, et qu'il bénisse toute leur famille. Léo, aujourd'hui, si t'as oublié être pardonné, je ne vais pas prêcher Shina Kusameewa. Mais je trouve que cette prédication-là vous a vraiment touché. Car même les cantiques, vous ne faites que chanter Oussama. C'est vrai, Jésus a tout pardonné. Jésus nous a pardonné, Yeshua tout sa mère. A tout n'a pécheur. A tout n'a pas d'azambi. Pécheur y est tout arrivé. Ma zambi y est tout, a yachuku, elle a pris nos péchés. Na ma malari et tout y est arrivé. Et même toutes nos maladies, il les a prises. Na ma souci y est tout y est arrivé. Il les a pris. Voilà pourquoi nous sommes des gens qui sont très heureux. Je vais prier. Et après, nous allons lire la parole de Dieu. Notre Dieu et notre Père Céleste, ayant grandement la joie, nous te disons merci. Car les gens sont errants. Ils vont ça et là pour chercher la parole. Mais nous, nous sommes dans la parole. Laisse que cette parole soit vivifiée en nous. Nous disons merci encore d'avoir conduit nos pieds pour arriver ici. Ici, nous venons avec des maladies pour sortir guéri. Nous venons au Wazaifu pour sortir Banguvu. Nous venons avec des soucis pour sortir Benyukufarijiwa. Bénis tes serviteurs, Père. Bénis tous ceux-là qui te suivent en ce moment. Que tu sois Alpha et Omega. Et que chacun de nous, asubuya leo, ce matin, il voit ta main. Et je crois que tu nous feras grâce. Car nous nous sommes confiés en toi. Bénis Israël, ton peuple. La parole que je vais lire. Moi qui vais lire, que je sois béni. Ceux qui vont l'entendre, qu'ils soient aussi bénis. Nous avons prié en recommandant tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. T'as arrêté ça, Kani? Très bien. Tout à Chima, Madja, nous sommes en Jean chapitre 1er. Levons-nous pour lire Yohanou Surakwanja. Jean chapitre 1er, verset 35 à 40. Yohanou Surakwanja, Tanzam Sura Makumitatunatano, Atamaine, Makumine Nambili. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondo wa Mungu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Wanafunzi wale wawili wakamsikiliza amesema maneno haya. Et ils suivirent Jésus. Na wakamfuata Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Na wanafunzi wale wawili wakasikia maneno haya na wakamfuata Yesu. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait. Yesu akageuka na kuona walianza kumfuata. Akawaonyesha. Que cherchez-vous? Ni nini mmetafuta? Il lui répondit, Rabbi. Wakamjibu, Rabbi. Ce qui signifie maître. Mana yake mwalimu. Où demeures-tu? Ni wapi uneka? Venez leur dit-il. Kujeni akawaonyesha. Et voyez. Na muone. Ils allèrent et y virent où il demeurait. Wakaenda na wakaona mahali Yesu alipangia. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Na wakabaki naye ile siku. C'était environ la 10e heure. Ilikuwa kadiri siku ya 10. André, frère de Simon Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean. André, ndugu yake Simoni Petro, alikuwa mmoja wale walisikia maneno ya Yohana. Et qui avait suivi Jésus. Na wale walimfuataka Yesu. C'est Philippe le premier qui rencontra son frère Philippe. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon. Ni yenjo alikuwa kwanza kutananishana na ndugu yake Simoni. Et lui dit. Na kamonesha. Nous avons trouvé le Messie. Tunampata Masia. Ce qui signifie Christ. Mana yake Kristo. Et il les conduisit vers Jésus. Na ya kampeleka kwa Yesu. Jésus les a regardé. Yesu kisha mtazama. Akasema. Tu es Simon. Wewe ni Simoni. Fille de Jonas. Mwana wa Yona. Qui sera appelé Cephas. Utaita kesha. Kefa. Ce qui signifie Pierre. Manaki mwamba. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Kesho yake Yesu alipenda kwenda Galilaya. Il rencontra Philippe. Akatanishana na Filipo. Il lui dit, suis-moi. Akamonesha unifate. Philippe était de Bethsaida. Filipo alikuwa ku Bethsaida. De la ville d'André et de Pierre. Mumuji Andrea na Petro. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Filipo akatanishana na Nathanaël akamonesha. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Tunampata ule Musa aliandika maneno yake msheria. Et dont les prophètes ont parlé. Na mwenye wanabii walisemea Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Fils de Joseph. Mwana wa Yusufu. Mungu abariki neno lake. Que Dieu bénisse sa parole. Asubuhi ya leo, ce matin, tutasemea yule ya sauti kunasema. Nous allons parler sur le thème qui dit convaincu. Mwenye kuhakikishwa. Et puis concerné. Kisha anakuwa mwenye mambo. Mwenye kuitika sema hii mambo ni ya kweli, eh? Celui qui accepte qui reconnaît que cette parole est vraie. Na inakuwa yangu. Et ça me concerne. Dieu tutasemea. C'est de ça que nous allons parler. Oui, mon unique na ubiri. Le Dieu que je prêche, Ashilandake. Il ne ment jamais. Anachana na bantu. Il est différent des hommes. Bantu wanakalaka na amour sana kusaidia. Les hommes ont toujours eu la bonne foi d'aider. Mais anaweza kulaka. Mais il peut promettre. Kisha na sababu. Et après quoi il oublie. Anaweza kulaka. Il peut promettre. Ile makuta niliwaachia kukupatia. L'argent que je pensais te donner. Na yeye abamupatie. Et on ne le donne pas. Anashinda kutimiza bila alila. Il n'arrive pas à accomplir ce qu'il t'a promis. Mais notre Dieu. Lakini Mungu wetu yeye. Est fidèle. Et comme mwaminifu. Romains chapitre 3. Wa Roma sura 3. Romains chapitre 3. Wa Roma sura 3. Verset 3. Mstari 3. Inasema hivi. Dit ceci. Et quoi donc? Nini basi. Et quoi? Nini basi. Si quelques-uns n'ont pas cru, kama mutu basi Si quelques-uns n'ont pas créé, leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Ouais, de là. Mbali na iyo. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Kwa kinyume Mungu ajulikane kuwa wa kweli. Et tout homme pour menteur. Na mutu yote ama muongo. Selon qu'il est écrit. Kwa fatana vile kwenye kuandikwa. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Ili upatikane wa haki katika maneno yako. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Na upate ushindi wakati batakuhukumu. Mungu anakalaka wa bia kweli. Dieu est vrai. Muntu analandaka. L'homme ment toujours. Na wewe kama unapenda kupata victoire. Et toi si tu veux avoir la victoire upate ushindi. Bakia mu vérité. Demeure dans la vérité. Bale bantu banakalaka mu vérité. Ceux qui restent dans la vérité mais bakia mu kweli. Atana pata mambo. Même s'il a un problème. Ashikalaki très agité. Ashikalaki kwa kubabaika. Les gens qui ont toujours eu des problèmes, dès qu'il est dans un problème quelconque, même à l'église, il est quoi mon appart? Il en a joué que c'est moyen du vilarifanya. Très agité. Ils sont très agités. Mais c'est lui qui n'est pas vraiment coupable. Même si on les calomniait. Même si on l'insultait. Il reste calme. Car il est fidèle à son Dieu. Et il sait très bien que Dieu, c'est lui qui intercède pour nous. Il y a deux fois que je dis que c'est lui qui combat pour ses fidèles, c'est Dieu. Dieu est fidèle. Mungu yeye ni mwaminifu. Mon deuxième Corinthiens, deuxième Timothée chapitre 3. Timothée apile sur la tatu. Deuxième Timothée chapitre 3, chapitre 2 verset 13. Timothée apile sur apile mustara 13. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 13. Timothée apili sur la si nous sommes infidèles. Kama si yetu kubakutokuamini. Il demeure fidèle. Yeye anabaki mwaminifu. Car il ne peut se renier lui-même. Kwani hawezi kujikana yeye mwenyewe. Kama Mungu anasema neno yake. Quand Dieu dit sa parole. Anakalaka attaché ku neno la. Il est tenu à accomplir sa parole. Problème tout qu'on a yo leo. Le problème que nous avons aujourd'hui. Ni aba prédicateur bale aba yo plan ya Mungu. Ce sont des prédicateurs qui ne connaissent pas le plan de Dieu. Aba yo programme ya Mungu. Et qui ne connaissent pas matengenezo ya Mungu. Na Mungu achikubaite. Et Dieu ne les a pas appelés. Joabe ko na ubiri sema Branham et Dieu. Ce sont eux qui prêchent Branham Dieu Mungu. Beko na weka ba Mungu vile banapenda. Ils placent des dieux tels qu'ils le veulent. Mais nous, ce matin, notre Dieu est unique et nous le connaissons. Ce n'est pas seulement le connaître, mais nous croyons en lui. Ma doctrine ya ba miungu ba deux. La doctrine concernant deux dieux. Iko na mba soi-disant message. Se trouve aussi comme on l'appelle dans la mini ujumbe. Monsieur ye. Mais nous. Uyu Mungu tuko na omba asubuhi ya leo. Nous adorons ce matin. Mwenye eko hapa. Celui qui est ici. Ni moya bule. Est unique. Na ile ilikuwa ni sheria ya Israël. Et ça c'était dans la loi d'Israël. Mu Deutéronome chapitre yake ya 6. Kumbukumbu la Torah sura 6. Na Mungu ashishanjake neno yake. Et Dieu ne change pas sa parole. Dieu eko fidèle. Kwani yeye ni mwaminifu. 6 4. Kumbukumbu la Torah sura 6 msalaini. Eko Israël. Sikiliza Israeli. Notre Dieu. Mungu wetu. Et le seul éternel. Ni yeye peke yake wa milele. Mupande mushuke que advienne que pour tout qu'on a abudu hapa ni moya bule. C'est lui que nous adorons ici est unique. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Utapenda wamilele Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote na kwa nguvu yako yote. Ce commandement que je te donne aujourd'hui. Na maamri nakupatia sasa leo. Sera dans ton cœur. Itakuwa ndani ya moyo wako. Les inculquera à tes enfants. Utaipatia watoto yako. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Na utayasemezui quand tu iras en voyage. Hata wakati uko msafari. Quand tu te coucheras. Wakati utalala. et quand tu te lèveras. Na watu taamuka. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Taifunga ama alama pa mkono yako. Ils seront comme des frontons entre tes yeux. Itakosa maubao yulu ya macho yako. Tu les écriras sur le poteau de ta maison. Utayandika ka yulu anguzo ya nyumba yako. Et sur tes portes. Na yulu ya milango yako. Twende tukayandike. Allons écrire ces paroles, ces commandements. Tandis que c'est ma pour écrire que notre Dieu Mouyaboule. Est unique. Vous mettez au salon quand quelqu'un entre chez toi. C'est par là que quand va commencer la prédication, il voit cet écrit en grand dans ta maison que notre Dieu est unique. Il dit non, ce que tu as écrit là, ce n'est pas comme ça. Il y a deux, trois dieux. Et par là que tu commences déjà à lui expliquer pour facilement, notre Dieu est unique, il est le seul. Amen. Amen. Isaïe avait aussi insisté sur le Dieu unique. Il a parlé beaucoup sur le Dieu unique. Il a semé à San, il a semé à San, il a le Mungu moja tout. Esaïe 45. Makumi ine na tano. Kama ulikuwa mara ya kwanza. Quand tu étais venu pour la première fois. Ndio utaweza sema ndio vile tunaamini. Alors que tu sauras qu'est-ce que nous croyons. 45. Isaïe makumi ine na tano. Verset yake ya 18. Mustari ya kumi na munani. Car ainsi par l'Éternel, Kwani, ivi, wa milela mesema, le Créateur des cieux, Mumbaji wa mambingu, le seul Dieu, Mungu peke yake, qui a formé la terre, kwa faya dunia, qui l'a faite et qui l'a affermie, kula itunga na kuikamilisha, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, aliumba, ili sibakie tu wazi, qui l'a formé pour qu'elle soit, pour qu'elle fût habitée, aliitunga, ili dunia bapate kuishi po. Je suis l'Éternel, Niko wa milele, il n'y en a point d'autre. Hakuna kamwe mwingine. Alléluia. Amen. 21. Makumi mbili na moja. Déclarez-le. Muyatangaze. Faites-le venir. Muba karibishe. Qui prennent conseil les uns des autres. Babebe shauri wa moja na wengine. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Inale tangulia kutabiri maneno tangia mwanzo. Et depuis longtemps il les a annoncé. Na tangia zamani alitangulia kuyatangaza. N'est-ce pas moi l'Éternel. Et si mimi wa milele. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Hakuna kamwe Mungu mwingine isipokuwa mimi. Je suis le seul Dieu. Mimi ni Mungu peke yake. Juste. Wa haki. Et qui sauve. Na mwenye et tournez-vous vers moi ngeuke kwangu et vous serez sauvés na mutaokolewa vous tous qui êtes aux extrémités de la terre wewe wote wenye kupatikana kumipaka dunia car je suis Dieu kwani mimi ni Mungu et il n'y en a point d'autre na hakuna kamwe mwingine tournez le regard vers Jésus frère Branham a pris une prédication c'est mutupe macho yenu kwa Yesu déjà tuna anticipé vile tuna on va comprendre déjà. Vous avez déjà compris, nous avons anticipé. Un seul Dieu. Mungu peke yake mu. Niveau yetu ni ayulu sana. Notre niveau est très élevé. En tout cas, là, que bantu bakuwaya waya. Nous ne sommes pas des gens qui tâtonnent. Bon, quand tu n'amini kindu, quand nous croyons quand quelque chose, a changé. Ça ne peut jamais changer. Même ma prédication, hein. Ata katika maubiri. A tout tâtonnake. On ne tâtonne pas. Comme avant, toute notre vie est là. En tant qu'humain, nous pouvons fauter. Mais comme la vérité est notre. Mais dès que la vérité sort, je m'aligne derrière la vérité. Nous savons en qui nous avons cru. 37. Ma comité tout n'assaba. C'est ma Isaïe, c'est ma sœur, naïulu ya Mungu. J'ai dit que Isaïe a beaucoup parlé sur le Dieu unique. Isaïe, ma comité tout n'assaba, mustara kumina sita. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, assis sur le chérubin, anaketi yule makerubi, c'est toi qui es le seul Dieu, ni wewe mwenye kwa Mungu peke yake, de tous les royaumes de la terre, kwa mafalme yote ya dunia, c'est toi qui as fait les cieux et la terre, ni wewe ulifanya mbingu na dunia, amen. Kama kuko mautawalo. S'il y a des royaumes. Kama kuko ma puissance. S'il y a des puissances. Monsieur tunayua sema. Mais nous savons que. Mautawalo yo. Parmi toutes ces puissances. Ma puissance yo. Parmi toutes ces puissances. Yulu ya yote. Au-dessus de tout. Mungu ni wetu ni moya. Notre Dieu est unique. Sukwa tuwezi kuadore n'importe quoi. Atuwezi kuabudu wa izuru nini. Unadore paka Mungu. Nous n'adorons que le Dieu éternel. Kanisa bien enseigné. Kanisa nyufundishwa mzuri. Hawezi kumelanger hata ma prière. Mpouvez même pas mélanger les prières kuchanganisha maombi. Voilà on a geuza bien. Kuchanganisha maombi. Mpouvez pas mélanger les prières. Unaenda kwa prophète moi kama nimekiwewe. Tu vas chez un prophète, je sais pas qui wewe, il prie pour toi. Unakuya tena. Tu reviens encore ici. Kwa majina Joseph anakuombea. Mon nom Joseph, il prie pour toi. Unapaswa kuwa malade quelque part. Là, tu dois être malade quelque part. Tu vas à l'église, on prie pour toi. Tu vas à Mapori, tu manges, tu te donne une corde autour des hanches. Quelque part, ça ne va pas. Vas-y, Flani. Notre Dieu est unique. Nous croyons en lui. Nous le connaissons. Et nous nous confions en lui. Et ceux qui se confient en lui n'ont jamais été confus. Le seul vrai Dieu. Mungu peke yake wa kweli. 20. Makumi mbili. Maintenant éternel notre Dieu. Sasa wa milele Mungu wetu. Délivre-nous de la main de Sanhedrin. Utukomboke mkono. De Sanhérib. Sanhérib. Utukomboke mkono ya Sanhérib. De tous les royaumes de la terre. Ba ufalme yote ya dunia. Et tout le même d'ailleurs. Na maufalme yote ya dunia. Sachant que ipate kujua toi seul ya kwamba wewe peke yako et jo wa milele ye moya bule lui seul. C'est pourquoi unaona Isaïe pakulaka pour dire pakulaka ukombozi pour parler du salut. Quand il commence à prédire sur l'avenir de Jésus, l'avenir de Jésus. Il n'a pas dit que Jésus est venu pour vous sauver. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Notre salut, nous, c'est Dieu lui-même qui est notre sauveur. Esaïe 35. Quatre, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Nous nous sommes sauvés. Alors s'ouvriront les oreilles des aveugles. N'a pas les matchs à vue pour fit à funguliwa. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. N'a pas les matchs à vue pour fit à funguliwa. S'ouvriront les oreilles des sourds. Masikwa visi ou ita funguliwa. Alors les boîtes sauteront comme un cerf. Qui était à Taluka sa wankasha. Et la langue des muets éclatera de joie. Na ulimi abubu ita shangilia na furaha. Car les eaux jailliront dans le désert. Wani maji ita bubujika mujangwa. Et les ruisseaux dans la solitude. Na mito ita kwa kati mainchi kavu. Les eaux jailliront dans le désert. Maji ita bubujika mujangwa. Les ruisseaux dans la solitude. Mitoni kidogo ita onekana mabali kavu. Ni ubatizo ya Roho Mtakatifu. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Il viendra lui-même. Atakujaka yemunyewe. Esaïe a prophétisé. Esaïe était en train de prophétiser. Alors, on entre tout Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9, il commence par là. Unaona, voyez-vous, les serviteurs de Dieu, ceux qu'ils ont toujours dit, ceux qu'ils ont dit, ils ont été écrits dans la Bible, ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Même quand nous prêchons, nous nous battons tellement nos pensées que ça ne soit pas transmis à l'église. Ma déclaration est que nos opinions ne soient point transmises à l'église. Si nous apportons tout ça à l'église, Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît que sa parole. Et sa parole, Dieu l'accomplit toujours. Isaïe chapitre 5, chapitre 9. Isaïe suratissa. Écoutez comment Isaïe a commencé par prédire. 5. Mustaratano. Car un enfant nous est né. Mwana mtoto amezaliwa kwetu. Un fils nous est donné. Mwana amepewa kwetu. Et la domination reposera sur son appel. Na son épaule. Utawalo itakuwa juu ya beka zake. On l'appellera. Watamuitaka. Admirable. Wakushangaisha. Conseiller. Mshauri. Dieu puissant, Mungu wa uwezo, Père éternel, Baba wa milele, prince de la paix. Mufalme wa salama. Anasema tu Isaïe. Isaïe l'a dit. Mtoto anazarikiwa. L'enfant est né. Batamuhita. On l'appellera. Wakusangazisha. Admirable. Conseiller. Mshauri. Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Père éternel. Baba wa milele. Prince de la paix. Mufalme wa salama. Et il n'y a personne qui a été admirable comme Jésus sur cette terre. Premièrement, il n'a pas été instruit, il n'a pas étudié, mais il savait lire. Même toi, tu dois t'étonner. On lui donne les livres. Il a ouvert, il trouva l'endroit où il était écrit. Akakuta phase, par lesquelles il est dit quoi? L'esprit du Seigneur sur moi. Roya bwani kujuu yangu. Il a commencé à lire. Anaikala, et il s'est tué. Et tout le monde était là en train de l'admirer. Vous m'avez admiré. Oui. Les oui. paroles que vous avez entendues Léo dire par les prophètes, aujourd'hui ces paroles se sont accomplies. Mais comment connais-tu les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Je vous ai dit le vendredi que si Jésus pouvait étudier, kwa Gamaliel. Chez Gamaliel. Kwa mtu mwa fulani. Ou n'importe qui. Na hapa niko na ubiri. Et maintenant que je prêche. Shikutafute kumwamini. Je ne pouvais pas croire en lui. Tout d'abord, alipasha kuharibisha réputation yake. Il devait détruire sa réputation. Bah, vous kusema, on pouvait dire. Mais oui, il a formé Jésus. C'est lui qui a formé Jésus. Ni mtu wa majabu. Il est terrible. Gloire yake. Sa gloire. Il pasha kwa mkia kwa ula ni tombé sur ce à la personne qu'il avait formé. Mais Jésus, n'était pas un homme. Yesu yashukwe mutu. Il était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Na hakuna mtu atafundisha Mungu. Mungu ndio anafundisha kabisa. Dieu il a toujours enseigné aux hommes. Alikuwa wa kusangazisha. Il était tellement admirable. Amen. Amen. Isaïe 14. Isaïe sura 14. Esaïe 14. Isaïe sura 14. Pardon. Esaïe 7, pardon. Isaïe sura 7, samani, mstari 14. 7 14. Isaïe sura 7, mstari 14. C'est pourquoi Jokomana, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille reviendra enceinte. Mimba, elle enfantera un fils. Atazala mwana, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Na watampatia kanjina ya Emmanueli. Jeune fille alipata mimba. Une jeune fille a conçu. Bila kuyua mwanaume. Sans coucher avec un homme. Ilikuya ni Maria. Et cette jeune fille-là, c'était Marie. Wakati Maria alipokea malaika. Lorsque Marie avait reçu l'ange. Banampatia malaika ya kuzala mtoto. On lui a donné la promesse d'enfanter. Anasema hapana, iko impossible nizale. Non, c'est impossible que je puisse mettre au monde. Yo, mishuwe banana. Moi qui ne connais pas d'homme. Niko bikira. Je suis vierge. Sema hapana. Il dit non. L'ange lui dit non, Dieu lui-même découvrira. Et l'enfant qui naîtra viendra par la puissance du Saint-Esprit. Elle dit qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Notre premier frère, notre aîné, nous allons où est toi, Kwanja? Azarikiwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Par la puissance du Saint-Esprit. Nashe aba banaikala hapa. Nashe tuko nazarikiwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. La puissance du Saint-Esprit. Ndio maana Jésus ni grand frère wetu. Jésus est notre grand frère mkubwa wetu. Njia ya kuzarikiwa. Par la voie de la naissance. Hapana kutuchezea. Faut pas vous jouer de nous. Kama tunapata mambo. Dès qu'un problème nous arrive. Tuko na grand frère. Nous avons notre grand frère tuna mkubwa wetu. Aba grand frère betu tuko nabo. Nos grands frères ici. Nous avons frère, et nos petits frères. Bale tunatumainia. Bata kuita ku téléphone. Tu vas l'appeler au téléphone. On peut vous appeler au téléphone. Banawezi kuita ku téléphone. Sema mkubwa wako wa Zimbabwe. Ton grand frère du Zimbabwe. Anakufa. Est décédé. Munaenda mka récupérer ma richesse yake. Vous allez pour récupérer toutes ces richesses. Ule bibi yake aliowaka. La femme qu'il avait épousée. Ana mi compliqué. Vous rend la tâche difficile. Munarudi yako tu. Et vous rentrez même bredouille. Mais Jésus. Akini Yesu. C'est notre grand frère. Yeye ni mkubwa yetu. Amen. Amen. C'est pourquoi, allez, Jésus, pas comme ça, là, à la naissance de Jésus, bah, explique, on a expliqué comment il devait venir dans ce monde. Et pourtant, moi, je te savais, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais vous arrivez à croire, mais à la naissance de Jésus, alors quoi sauver? Il est devenu sauveur, mon cause. Et vous voyez les dénominations. Voilà, on bague notre sauveur. Votre sauveur là, c'est lui Dieu. Il refuse. Ce qui est à Matthieu chapitre 1er. Matthieu sur la Kwanja. Verset 18. Voici de quelle manière il va la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'y s'habitaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici le nom du Seigneur lui apparaît en songe. Et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. À la fois qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple. Alléluia. Amen. C'est quoi, wakati tunaokolewa, voilà pourquoi lorsque nous sommes sauvés, tunapartenir kwa ule alitukombola. Nous appartenons maintenant à celui qui nous a sauvés. Tunakuwa propriété ya sauveur. Nous devenons maintenant une propriété privée de notre sauveur. Mui wakati, en ces temps, akukua ke prophète, il n'y avait pas de prophète. Na kama akuna prophète, et dès qu'il n'y a pas de prophète, Mungu anasema ka umando clairement. Par de songe, wazi wazi. On vous appelle souvent des radios. Oh non, si tu as tel songe, nous avons un prophète. On a visionnaire. Et on interprète un autre. On interprète les songes. En ces temps-ci, nous n'avons personne qui interprète les songes. Arrêtez ces mouvements dans les églises. Quelqu'un qui parle de son songe, et tu cherches à interpréter, tu vas entrer dans le monde. Mensonge. S'il n'y a pas de prophète, je parle clairement. On a dit, wazi, wazi. Alléluia. Amen. Apa prophète à Shukuya. Ici, il n'y avait pas de prophète. Apa Jésus. Jésus, ici. Alikuwa muntumbo ya Marie. Dans le sein de Marie. Prophète, alikuwa muntumbo ya Elisabeth. Était dans le sein d'Elisabeth. Jean. Yohann. Et il n'y avait personne pour interpréter les songes. Dieu parlait ouvertement, clairement, wazi wazi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par, la, par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Mungu Manayake, Dieu avec nous. Amen. Amen. Kama kuna prophète, s'il n'y a pas de prophète, Mungu anasemaka Dieu a toujours parlé clairement. Et les mages sont allés voir le roi. Lorsque vous avez perdu l'étoile, ils ont commencé à poser la question. Où est le roi des Juifs? Il vient de net. Car nous avons vu quoi, son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi en était jaloux. Ah, y a-t-il un autre roi? Ma royauté va prendre fin. Il faut les tuer. Allez-y l'adorer. Si vous le retrouvez, revenez aussi pour que je vous informe. Venez m'informer aussi pour que j'aille aussi l'adorer. Mungu anaona intention yake. Ma wazo ya imfalme. Ce n'était pas pour aller adorer Jésus, mais c'était pour les tuer. Anasema mundoto kule. Là, il a parlé dans le songe. Sema Jésus. Yesu. Batamua. On va les tuer. Mumutoche. Sortez. Mumupereke mu Afrique. Pour aller les cacher en Afrique. Mungweko bien. Dieu est bon. Jésus avait été caché ici en Afrique, ici chez nous. Si chez nous, si nous sommes bien, si chez nous en Afrique. Où qu'on est en Afrique? On est allé les cacher en Égypte. Après temps, Inaïcha. Après que le temps soit passé. Le roi qui devait chercher à l'étudier. Alors, là encore dit ouvertement, clairement. Comme un prophète. Si un prophète, s'il n'y a pas de prophète, Dieu a toujours parlé clairement. Dans cette église de Kambov, il n'y a personne pour interpréter les songes. Pourquoi nous n'avons pas de prophète? S'il y a un songe, Dieu en donne clairement. Alléluia. Amen. Arrêtez ce mouvement d'aller demander l'interprétation des songes. Amen. Amen. S'il n'y a pas de prophète, Dieu parle clairement. Alors, où est Jésus? Alors, c'est Jésus. Lorsqu'on l'avait mis au monde, il a grandi. Selon notre entendement, selon la parole de Dieu, il faut attendre la Mungu. Le jour où on est allé l'amener aux eaux du Jourdain, on l'a baptisé comme la brebis de l'Ancien Testament. Voilà, sawa sacrificateur. Sawa kuhani. Wa kuingia mkaji. Devait entrer dans la sacrificature. Juu ya bantu. Pour les hommes. Il fallait que mon awisha. Il fallait les laver. Mbakala mafuta. Oindre. Jésus naye. Jésus aussi. Anaingia mumai. Est entré dans les eaux. Na mafuta na shuka yulu yake. Est descendu sur lui. Ana mafuta ya kupakaliwa ya bantu. Par l'huile appliquée par les hommes. Mafuta ile shuka ndani mwake. Est descendu sur lui. Ni Mungu yeye. C'était Dieu lui-même, cette onction là. Na neno ya Mungu inasema. Et la parole de Dieu dit. Nikaona roho ya Mungu. L'esprit de Dieu. Ikitoka mbinguni. Venant descendre du ciel. Na ikashuka. Et s'est posé sur lui. Et une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu est amour. Na Mungu ye ni upendo. Tu ne peux pas voir Dieu dans ton cœur. Et tu es toujours en querelle avec les gens. Apana. Non. Là, tu te trompes. Kama Mungu anekala ndani mwako, dès que Dieu entre en toi, utakuwa en paix avec tout le monde. Utakuwa katika salama na batu bote. Kama unaona kuna kosana kosana bantu, tu es en dispute avec les gens, tu te querelles avec les gens. Il y a ceux-là à qui tu ne parles pas. Mungu eko ndani mwako. Ce n'est pas Dieu qui est en toi. Ni ba démons. Ce sont les démons, ni mapepo mchafu. Dieu est amour. Mungu yeye ni upendo. Anashuka ndani ya Yesu. Il est descendu en Jésus-Christ. Jésus a commencé à prêcher. On lui posa une question. Quel est le plus grand commandement? Sema, écoute Israël. Ce qu'il dit à Israël, Mungu wako, ton Dieu ni moya tu, est unique. Utampenda, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force. Kama mtu anaamini Mungu. Si quelqu'un croit en Dieu. Bia kweli, hein? Certainement. Hakuna tena kintu kingine atapenda plus que parole. Il n'aimera pas autre chose de plus que la parole. Kuliko neno. Mnamna ingine. En d'autres termes. Hakuna tena kintu ki a valeur en dehors ya parole. Il n'y a pas autre chose qui soit précieuse pour lui. Inje ya neno. Njo conviction yetu. Il est njo akikishi. Njo namna shi tunaamini. Voilà. Apa tunaikal. Ici où nous sommes assis, manyumba yetu, dans nos foyers, mumakaji, dans nos activités, mumasafari, dans nos voyages, hakuna kintu kiabei, il n'y a pas quelque chose qui soit précieuse kile tunaweza kukompare na neno, à laquelle nous pouvons comparer avec la parole. Neno ndio numéro 1. C'est la parole qui a prééminence en toutes choses. Alléluia. Amen. Et voilà le premier. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Na ya pili utapenda jirani yako ama wewe mwenyewe. Prochain ana sœur. Jirani, ce n'est pas la sœur d'Ada. Aina frère. Aina nduku, ce n'est pas le frère. C'est déjà tunapasha kupendana directement. Nous devons nécessairement nous aimer. Conformément à l'écriture. Kufatana na andiko. Inasema mupendaneni. Aimez-vous. Juu bantu bapate kuyua. Que le monde sache que. Que bien quoi. Que réellement vous êtes croyants, vous êtes fidèles. Mais ni ba voisins betu. Mais ba jirani ni ba letu naishi nabo. Nos voisins. Vous devez les aimer. La Bible dit que la méchanceté va tellement abonder. L'amour de beaucoup de gens va s'épanouir. Mais celui qui persévère. La kini mounyo la tadoumou. Ne regarde pas ce qu'ils font contre toi. Mais regarde ce que dit la parole de Dieu. Si tu considères ce que les gens font contre toi, tu ne mettras jamais en pratique la parole de Dieu. Car les gens du temps de la fin sont accompagnés. Ce sont des ingrats. Ne considère pas leur ingratitude. Mais toi, regarde la parole. Amen. Amen. Prends seulement en considération la parole de Dieu. Maintenant, ça, ce que les gens ne comprennent pas, nous leur avons toujours dit que le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre, Mumbaji wa mbingu na dunia, le seul vrai Dieu, Mungu peke yake wa kweli, wakati ya Jésus Christ, au temps de Jésus Christ, yote Mungu wa mbingu, toute la plénitude du Dieu du ciel, alishuka, il est descendu, anaikala ndani ya Yesu, pour tabernacler en Jésus Christ. Na dia ku exagere, et pour exagérer, mbingu mulibakia vide, au ciel il s'était resté vide. Ina nasema mshike bien. Sauf que là, vous n'avez pas bien suivi. Au ciel, il n'y avait personne. Sur le trône, là, il n'y avait personne sur le trône. Il avait quitté le trône. Et il a marché sur cette terre avec des signes terribles. Jésus a marché dans cette terre avec des signes de prodiges. Il est roi, il quoi n'attendait pas mal. Qui marchait sur les eaux. Wakati il kala ndani ya Yesu. Lorsque cet esprit est entré en Yesu Jésus, alitembea pamai. Jésus a marché sur les eaux. Depuis balisemaka ile mambo. Depuis qu'on avait parlé de ça. Na hapa niko na hubiri. Jusqu'à l'instant où je suis en train de prêcher. Il n'y a jamais eu personne qui marche sur les eaux. Hapana. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Nous sommes convaincus. Tukuna ila kikisho. C'est quoi? Bah, natonesha, waji, waji, mon deuxième Corinthiens, chapitre 5. Verset 9, verset 19. Moussara Kuminatis, que Dieu était en Christ. Alikuwa kandani ya Kristo. Tukasumia na témoin de Jehovah moya. J'ai changé avec un témoin de Jehovah. Wakufunda mwanamuke. Un témoin de Jehovah bien instruite. Divinité aba ichikake. Eh, ne reconnaissent pas la divinité. Ils ne connaissent pas ça. Na mufundisha. Je l'ai nafika pa inasoma Dieu était en Christ. Anasema pale banandia anasema alikuwa ndani ya Kristo. Elle dit. Anasema elle a dit. Arrête pasteur. Je m'amisha tu pastori. Je comprends. Mina elewa. Na mimi naamini. Moi aussi je crois. Ni mystère munene sana. C'est un grand mystère. Kama unaichika. Si tu acceptes. Unapata neema. Là tu as la grâce. Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Pour faire quoi? Pour faire quasi gani? Pour nous réconcilier avec lui-même. Pour nous patanisho ana Mungu ye mwenyewe. Amen. Elle a cru. Aina pa kaile. Ce n'est pas seulement ça. Ya kukufanya ke waamini. Qui va faire que tu puisses croire? Atat 1 Timothée chapitre 3. Atat Timothée kwanja sura 3 verset 16. Mustara 16. Donc, nos convictions et tout il est. C'est ça notre conviction. Attends, on a pris à la vie, tu as ça, tu changes, tu changes. Avec des nouvelles choses pour nous changer. Nous n'allons pas changer, car nous savons que Dieu est unique. 1 Timothée 3. Timothée au coin de la tatou. 1 Timothée chapitre 3. Timothée au coin de la tatou. Verset 16. Mustari. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par Dieu, vie des anges, prêché aux gentils, cri dans le monde, élevé dans la gloire. Na inuliwa katika utukufu. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté dans ce monde. Il a été prêché. Alléluia. Amen. Et c'est lui qu'on prêche aux nations. Le monde entier a cru en lui. Et il a été élevé dans sa gloire. Amen. Amen. Colossiens 1, 19. Voilà, tuko convaincu. Tuko na ile akikisho sana. Na hii iko na patia nguvu hapa tuiko. Nous donne la force pendant que nous sommes là. Nasema kama tuko na mambo. Pour voir que si nous avons un problème. Huyu Mungu wetu eh. Notre Dieu. Asisindwake kintu. Il ne échoue jamais. Colossiens chapitre 1. Wa Colossae sura ya kwanza. Verset yake ya 19. Mstari ya 19. Car Dieu a voulu que kwani Mungu alipenda kwamba toute plénitude habita en lui. Utele yote ipate kuwa ndani yake. Amen. Amen. Toute plénitude habita en lui. Utele yote ipate keti ndani mwake. Mungu Dieu alipenda ke a voulu que Mungu wake bote toute sa plénitude buikale ndani ya Yesu. Soit en Jésus-Christ. Paka mu Colossiens chapitre 2. Toujours dans Colossiens chapitre 2. Verset 20. Musalama 12. Colossiens chapitre 2. Colossiens sur la pile. Pardon. Samani. Colossiens. Colossiens. Donc, Mungu, Dieu, Mungu est, écoute, écoute bien. Notre Dieu est bon. Écoute tellement bien. Et comme moi, ma sana. Que. Ma écriture est tellement mingi. Il y a beaucoup d'écritures. Il faut que je puisse lire toutes les écritures. Nous n'allons pas terminer. Mais nous voulions montrer que Mungu wetu notre Dieu alikala yote habita dans sa plénitude ya Yesu en Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1er. Yohan wa kwanja sura kwanja. Ushige sasa. Kwa manasema mwana wa Mungu eh. Quand on parle du fils de Dieu. Kisha wanasema Yesu ni Mungu eh. Et puis on dit que Jésus kuna ba compliqué sana. Et cela complique. 1 Jean chapitre Jean 1 Jean chapitre 1er. Yohan wa kwanja sura kwanja. Ah, hapana 1 Jean. Jean chapitre. Yohan sura kwanja. Est-ce que nous sommes Mungu wetu ni moya bule. Notre Dieu Jean chapitre 1er. Yohan sura kwanja. Verset yake ya 29. Tosoma parti mu. Musala makumi mbili na tisa. Le lendemain, kesho yake, il vit Jésus venant à lui et dit, Yohan akaona Yesu kwa kuwa voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Na akasema tazameni mwana kondoo wa Mungu mwenye kuondosha dhambi. C'est celui dont je dis, ni yeye nilisemea kwamba kisha mimi, viens homme qui m'a précédé. Kwa mtu la nitanguliaka. Il était avant moi. Alikuwa kaka mbele mimi nipate kuwa. Je ne le connaissais pas. Sikumjuaki. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté en Israël. Na kwa kini hivi ajulikane ku Israeli. Que je suis venu baptiser d'eau. Ya kwa mani mie nilikuwa kubatiza kwa maji. Et j'ai rendu ce témoignage. Na Yohana kaleta hii ushuda. J'ai vu l'esprit descendre du ciel. Niliona roho inashuka toka mbinguni. Comme une colombe. Ama njiwa. Et s'arrêter sur lui. Na ikasimama juu yake. Je ne le connaissais pas. Sikumjuaki. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Lakini ule alinituma kubatiza kwa maji. Celui-là m'a dit. Yeye akanionyesha. Celui que tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. Utaona roho inashuka na kusimama juu yake. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ni yeye ndio anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu. Na nikaona. Et j'ai rendu témoignage. Na nikashuhudia. Qu'il est le fils de Dieu. Kama yeye ni mwana wa Mungu. Maintenant, kama unamsomea témoin de Jehovah hapa. Si vous lisez un témoin de Jehovah ici, il sera content. Ba témoin de Jehovah. Les témoins de Jehovah. Ana ba croyant. Ce ne sont pas des croyants. Ni ba raisonneur. Ni ba kufikiri. Ine no. Cette parole. Aba irezona ke. On ne raisonne pas avec. Bana yaminiaka paka vile Mungu anasema. Mais on croit en ces écritures telles que Dieu les dit. Leto kuna manke mabaraka ya mingi. Aujourd'hui, on attend beaucoup de bénédictions. Dieu a raisonné kuneno ya Mungu. Kwani tunafikiri na neno la Mungu. Mais aba irezona ke. Mais on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne raisonne pas sur la parole de Dieu. C'est pourquoi on a moins Jean chapitre. Raison pour laquelle vous verrez dans Yohan ou Jean chapitre 5. Yohan ou Akwanja sur la tano. Verset 20. Moussala Makumimbili. 1 Jean 5. Yohan ou Akwanja sur la tano. Moussala Makumimbili. Mais la semaine, il y a mingi ma écriture. J'ai dit, il y a beaucoup d'écritures. Dieu a gagné ma carte. Mais pour racheter notre temps. 1 Jean chapitre 5. Yohan ou sur la Akwanja, Moussala la tano. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Le Dieu véritable, Mungu wa kweli, c'est son Fils Jésus-Christ. Ni mwana wake Yesu Kristo. Et la vie éternelle. Na, yete na njo uzima milele. Kama unaonesha bantu hivi, si vous dites aux gens, Baba tasema ba mi uni ba trois. Oh, il y a trois dieux. Uko Mungu Baba. Ya Dieu le Père. Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Mwana. Dieu le Fils. Na Mungu Roho Mtakatifu. Et Dieu le Saint-Esprit. Les déclarations. Cette déclaration les misemo. Aikala keko. Ça n'existe pas. Nous croyons que Dieu est unique. Mais et il a travaillé dans trois attributs. Ephésiens, cela est bien expliqué par Ephésiens. Ephésiens chapitre 4. Et nous allons nous arrêter ayant cette conviction. C'est alors que nous allons aborder autre chose. Ephésiens 4. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, mani moja tu, un seul baptême, na ubatizo moja tu, un seul Dieu, Mungu moja, le Père de tous, na baba wa wote, qui est au-dessus de tous, mwenye kwa yuli ya wote, et parmi tous, na katikati ya wote, et en tous, na ndani ya wote. Alléluia. Amen. Ce sont là les trois attributs que Dieu a donnés. Un seul Dieu, Mungu Peke, le Père de tous, Baba wa wote, qui est au-dessus de tous. Mwenye kwa yuli ya wote, c'est toujours le Dieu là. Nipaka ule Mungu moja tu. Et parmi tous. Na katikati ya wote. Emmanuel. Emmanueli. Et en tous. Na ndani ya wote. Le Saint-Esprit ce matin. Mtakatifu asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. I mukini ya Kambov. La cité de Kambov. En dehors, ya hapa tuko na ubi. En dehors d'ici, où nous sommes en train de prêcher. Akuna kanisa iko na vérité. Il n'y a pas une autre église ayant la vérité. Bo ata uichika ina mambo. Ça, même si vous l'acceptez pas, il y a pas de problème. Kama kungelikuwa fasi kuko vérité. Si il y aurait une autre place où nous devons avoir la vérité, nous devrions y aller. Vire à tout n'a coulé. Étant donné que nous ne sommes pas là, donc c'est ici où se trouve la vérité. Ce que je déclare, c'est ça même la vérité. Le Dieu unique est ici. Amen. Amen. Et c'est vraiment un grand mystère. Nani siri kubwa. Et c'est le Dieu, Mungu moja, le Père de tous, Baba wa wote, qui est au-dessus de tous. Mwenye kwa yuli ya wote, c'est toujours le Père. Le même Père, hein, ule baba moya moja, et parmi tous. Eko katikati ya wote, ni Jésus-Christ. Yesu Christo. Le même Père, ule baba moya moya, et en tous. Eko ndani ya wote, ni Roho Mtakatifu. Et c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je m'étonne. Tu peux avoir Dieu dans ton cœur. En tant que Rome Takatif. Ça va Rome Takatif. Mais on a l'anda. Mais tu mens. Et après, l'anda, et après on mentit, tu restes tranquille. Après, non, ana mungu ni ba démon. Ce n'est pas Dieu. C'est, là, c'est, ce sont les démons. Na mungu, et Dieu. Awezi kulanda, il ne peut pas mentir. Na mungu, avec Dieu. Awezi kuescroquer. Tu ne peux pas aller escroquer. Njole mungu, tuko na c'est ce Dieu-là que nous suivons. Ma déclaration est abanto. Les déclarations des hommes. Branham, Branham, India Branham, akuna mwingine. Nous, ni Jésus. C'est Jésus ou rien. Ou rien. India Yesu, akuna mwingine. Alléluia. Amen. Maintenant, dans cette Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, continue avec nous. Il y a des gens qui étaient convaincus avec ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, il y a des gens, ce que Dieu avait dit, ils ont accepté que c'était ça la vérité. Si quelqu'un accepte que ce que Dieu a dit, c'est la vérité, il faut qu'il mette en pratique cela. Si tu ne mets pas ça en pratique, là, tu fais du théâtre. Il faut reconnaître que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Nous allons prendre trois types dans la stress, quatre personnes. Noah comme femme. Noah a écouté l'appel de Dieu. Qui lui dit, tu as trouvé grâce. On n'a pas ta nema, mbele yangu. Je vais faire périr tout bantu le monde. Je vais exterminer tout le monde par les deluges, par la pluie. Mais toi, fais-toi une arche. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas Noé qui a construit l'arche. C'est Dieu qui a fait l'arche. Mais elle utilisait Noé. En utilisant Noé. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit, Noé ne disait que Amina. Place la fenêtre là-bas. Non, Seigneur. S'il pleuvait, l'eau pourrait entrer par là. Non. Vous l'avez convaincu. Ce que Dieu a dit, il ne résiste pas. Aujourd'hui, vous nous avez créé des problèmes. Vous refusez d'aller répondre même au bureau des pasteurs. Quelle impolitesse. Nous n'avions pas cru comme ça. On honorait tellement les serviteurs de Dieu. Qu'ils vont nous amener au ciel. Par la voix de la parole de Dieu. Dès qu'ils appellent. Même si j'étais en train de faire mes activités, mes travaux. Je vais répondre à l'appel de l'homme de Dieu. Nous nous sommes sous la conduite des pasteurs Kazadi. Le frère Kaka. Et les gens parlent souvent contre nous. Bonjour frère Kizabi. Bonjour frère Kizabi. Comment ça Kizabi va? Abari. Tu as déménagé à Kapolo Emission. On a amé Kapolo Emission. Maintenant tu es à Lubumbashi. Ça, on a mis à Lubumbashi. Tu as commencé une nouvelle œuvre. On a zakazi mupia kule. Avant de parler peu kaji ingi. On ne commence pas une œuvre là où se trouve déjà une ancienne. Wow, voilà. Où qu'on a géré Zabi. Avant de kaji amungu. On ne commence pas une œuvre de Dieu. Là où déjà il y avait une œuvre de Dieu. Ça, c'est où quoi puis? Vous êtes sous la conduite de Kazadi. Ah, pas onongoza ça, ça na Kazadi. Je sais ma panne. J'ai dit non. Je ne suis pas sous la conduite de Kazadi. Je suis sous la conduite du Saint-Esprit. Nikotini ya onongozi ya Rome takatifu. Kama nanita. Si il m'appelait. Niko si. Niko na wakika. Mutumishi wa Mungu anani. Le serviteur de Dieu m'a appelé. Kama kaka nanita. Si kaka m'appelait. Allô mze. Allô mze. On a sema. Tu dis que chamba. Je suis au champ. J'aimerais vous rencontrer. J'arrête les champs, je viens. Je n'ai rien perdu. Frère José, naïta, frère José appelle ma chambre. Alors, je suis au champ à Kampemba. Kouyambele. Venez d'abord. Ça, c'est dérangé dans mes activités. Pourquoi Mkosa Adabu? Bonjour, frère. Ça va, bien-aimé? Mimi na kuya. Je viens. C'est peut-être pour ton bien. Ça zingine ni mfaida yako. Mina onishaka ba kulumbashi mina ba kujaka sema. Je suis de Lumbashi, je les ai tous. Mina mbele mwe. En tout cas, mais je m'étonne de vous. Cheba, tu es un jobé ba prédicateur. C'est nous qui sommes des prédicateurs. Mais quand on tweet ko ba tuishi ba pasteur. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Tu vois là, tu vois là si tu nini bana nita. Là, j'ai vétiqué, je me. Ça ça mwe. Ou alors vous. Je m'étonne souvent de vous. Un jour, on a appelé Frère Kumbu. Parce que comme nous sommes souvent naïfs, on a appelé Kumbu. Frère a dit non, venez au bureau. Frère Kazadi. Frère Kumbu est parti. Il a dit, comment es-tu venu seul? Vous devriez venir à deux avec Frère Kazadi. Va les chercher. Le frère est retourné avec son véhicule. Le pasteur a dit que nous y allons tous deux. Problème. Il y a un problème. C'est ma il a dit seulement que je viens te chercher pour aller à Ben. C'est ma. Bon. Le pasteur, je vous ai appelé pour le programme de la radio. Entre vous deux, qui va commencer avec la prédication? On peut t'appeler par le serviteur de Dieu. On t'a envoyé l'argent. C'est arrivé entre les mains. Maintenant, on t'appelle. Toi, tu fais des caprices. Tu vas bouder. Alors, si le serviteur de Dieu vous appelle, soyez obéissant. Vous avez vos activités. Arrête ça. Monsieur le Makazi Yako. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Noé a tout fait tel que Dieu lui avait dit. Et Namungu a apprécié. Et Dieu l'a apprécié. Il sait que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu l'avait ordonné. Yote le Mungu ali amuru. Ce qui arrivera du temps de Noé. Il y a fikaka mwakati ya Noah. Arrivera de même aujourd'hui. Il t'a fikaka vile vile masikale. Na cheva le Mungu arita. Que Dieu a appelé. Yote Mungu anasema. Ce que Dieu dit. Tuko convaincu que ni vya kweli. Na tuta kamba que c'est la vérité. Na tutavifanya. Et nous allons mettre en pratique cela. Ata tuna na nguvu. Nous n'avons pas la force. Mais tutafanya. Nous le ferons. Il y avait encore une autre personne qui était convaincu de Dieu. Ni Eli. C'est Eli. Quand tu appelles un homme, il ne regarde pas que j'appelle celui qui a beaucoup d'argent. Ou bien, il appelle tel qu'il veut, selon sa volonté. Il peut appeler un pauvre. La pluie ne tombera pas. Sinon, à ma parole. C'est pourquoi tout ministre s'aime. C'est quand un homme de Dieu parle. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle. Et pourtant, pourquoi ma parole est ce n'était pas les paroles d'Eli. Ma parole est éternelle. C'était les paroles de l'Éternel. Maneno ya milele. Pendant 3 ans et demi. Il n'a pas plu. Et les gens commençaient à mourir. Les bêtes mouraient. Mufalme a regretté. Le roi a regretté. Anasema na tueta ima probleme ni Eli. Il a suscité tous ces problèmes. Faut mutafuta. Il faut les rechercher. Bana mutafuta bana mupata. On l'a recherché, on l'a trouvé. Bamonja sema c'est toi qui trouble Israël. Oui, ndoko na vuruka Israël. Eli anasema ce n'est pas moi, c'est toi. C'est aina mie ni wewe. Mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Anaiwa kile eko. C'est qu'il est. Et Eli était convaincu que lui était avec Dieu. Il ne s'agitait pas. Ashiku baba ikapana. Il était nourri par les corbeaux. Je me suis toujours étonné de ces corbeaux-là qui allaient nourrir Eli. Corbeau, c'est un charognard. Il mange des choses pourries, des souris pourries. Mais Dieu appela un corbeau pour aller donner à manger à Eli. Il ne pouvait pas refuser. Si Dieu dit quelque chose, nous ne faisons qu'accepter, car c'est Dieu qui l'a dit. Ça m'a toujours étonné. Normalement, le corbeau devrait manger ses viandes et ses pains. Mais il obéit. À qui n'y a qu'à ti. Il a pris ça de son bec. Il a obéi. J'ai toujours dit ça. Si le corbeau avait obéi aux paroles que Dieu lui avait dites, combien plus forte raison moi qui suis son enfant. Après, Maï n'a kaoka. Et l'eau a séché. Eli était toujours au même endroit. Je lui dis non, va à Sarepta maintenant. Il est arrivé à Sarepta. Après, et les gens ont beaucoup pleuré. On est allé voir Eli. Non. Cherchons seulement les sacrifices pour aller offrir cela sur la montagne. Et montons les hôtels. Chacun de nous. Va mettre son nom sur l'autel, qu'il prie seulement Dieu sans mettre le feu. Mungu atajibu kwa et Dieu exaucera en descendant le feu. Et c'est celui-là qui sera vrai. Quelle conviction! Akikisho gane. Et au temps d'Élie, c'est pareil à notre temps. Notre temps, chacun de nous suit son chemin. Chaque église a sa conduite. Dieu n'aime pas cela. Mungu anapendaka bantu bote bafuate manjia yake se voit ndio maana bafuate njia yake se voit ndio maana Eli voilà pourquoi Eli kila alifanyaka mwile wakati ndio kile yeko na fwaya na leo message ya Eli ujumbe ya Elia. Je vais parler doucement. Au temps d'Eli, chacun suivait sa propre voie. Dieu n'avait pas voulu cela. Voilà pourquoi il avait suscité Eli. Ils arrêtent avec leur voie pour suivre la voie de l'Éternel. Voilà pourquoi Eli a rendu chemin. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Bah, si c'est Baal, allez vers Baal. Mwende kwa Bali. Iwakati, en ces temps, c'est un temps où il faut se tenir dans la parole de Dieu. Allèvement est plus proche. Shikunasa atuyue. Nous ne savons ni l'heure ni le temps. Eli anaenda. Eli est parti. Bantu bana lomba lomba les pale. Gens ont prié, ils ont commencé à prophétiser. Évitez ma prophétie. Mwepuke mambo kutabiri tabiri. Prophétie yote. Kutabiri kote. Kama inakuletea fujo kunyumba si yako. Ça crée désordre dans ta maison. Mungu ni mashetani. Ça ne vient pas de Dieu. Mungu ni wa salama. Dieu c'est un Dieu de paix. Tuichikeni amen. Disons amen. On t'apporte une prophétie. Tu arrives à haïr tes beaux-parents. Ça, ce n'est pas Dieu, ce sont des démons. On t'apporte une prophétie. Tu vas haïr tes parents. Là, ce n'est pas Dieu, mais ce sont des démons. Dieu, c'est un Dieu de paix. Ils n'ont même pas construit, monté l'hôtel. Ils ont commencé à prier. Bal. Elie s'est moqué même d'eux. Leur donner même des conseils. À partir depuis que nous avons reçu ces messages, beaucoup de gens nous ont même imité en appelant. C'est ma frère. Pour dire frère. Et aussi comment ça s'appeler. Nous sommes aussi des frères. Chez vous, frère, nous, notre fraternité. Ni par naissance. Ni kupitia kuzali quoi. Aina juna ingia mtabernacle na kwa frère. Tu entres dans le tabernacle, tu deviens notre frère. Non, frère. Nous sommes frères. Par naissance. Kwa kuzali quoi. Munamuna ingine. Kwa kuzalikiwa mara ya pili. En naissant de nouveau. Chez wote tunakuwa banduko. Nous devenons maintenant des frères. Jean-Mili Mionoshi asema. Nouvelle naissance. Kuzalikiwa mara ya pili. Sanctification. Utakaso. Baptême du Saint-Esprit. Inawaka kikabila. Détruit sa tue, ça met fin au tribalisme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis tout pour les âmes. On n'a même pas le temps de poser la question, tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu? C'est là, ça va t'apporter quoi? Sur cette terre, et ici au Congo, il n'y a aucune tribu qui soit plus de, qui ait plus de valeur. Même si tu ne dis pas, tu n'acceptes pas. Il n'y a aucune tribu qui soit plus précieuse. Il n'y a pas une tribu d'intellectuels. Nous allons confusion. A créé la confusion dans toutes les tribus. Akuna ya valeur. Il n'y a pas une tribu qui soit plus valeureuse de plus. Ni bantu obenye. Ce sont les hommes qui se donnent de la valeur. Mais d'après Dieu, akuna ya valeur. Il n'y a aucune tribu qui soit plus valeureuse. La tribu qui soit plus valeureuse. C'est nous qui sommes ici. Même si tu n'acceptes pas, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui vient de leur village. Comme village et tout. Antoine qui dit, dit. Et qu'on a vu ta passante. Il se vante. Moi, mon œil fouet, moi, mon âge. Moi, mon âge. Va-t'en. Il n'y a pas une tribu qui soit au-dessus de toutes Kabila les autres. À valeur. La tribu qui soit au-dessus de toutes les autres, c'est la tribu de nous qui sommes enfants de Dieu. Je l'ai toujours répété dans les prédications. Nous, notre niveau, ni en valeur sainte. Ça a beaucoup de valeur. Voilà pourquoi nous on a répété. Tu vas chez les autres. Tu empruntes l'argent. Tu ne payes pas. Tu es un méchant. Tu as un mauvais cœur. Notre tribu a beaucoup de valeur. Elia, lorsqu'il a monté l'hôtel, il a rebâti l'hôtel. Il a pris 12 pierres. C'est dans 12 tribus d'Israël. Et il a construit l'hôtel. Il a posé l'hôtel. Sacrifice, on y mit de l'eau. Comme il était convaincu. Ça veut dire qu'on a acquis quiche. Lors de l'offrande du sacrifice. Anasema, il dit, Seigneur, Bwana, qu'on sache aujourd'hui Badjou et Léo, que je suis ton serviteur. Et j'ai fait toutes choses. C'est non ta parole. Réponds-moi, Éternel. Bwana, unijibu Bwana, est-ce que la prière est fanya 30 minutes? Cette prière là a mis 30 minutes. Comment si les dominations commencent à prier, Mambo, c'est terrible. Une femme pas les yeux. Il ne fait que taper les mains. Yesu. Il tourne dans la salle. Est-ce prier ou tourner dans l'église? Nous prions. Kama tunaomba, nous prions. Tuko na sumbria na Mungu. Là, nous sommes en train de parler avec notre Dieu. Na Mungu anayua maroye. Et Dieu connaît le cœur. Na Mungu anajibwa. Et Dieu exauce. Alléluia. Amen. Moto inachuka. Le feu est descendu. Kifugujia ya Mungu. Le but de Dieu. Israël yue sema. C'est pour qu'Israël sache que wa milele yeuli. L'Éternel est là. Et quatrième personne mon Ancien Testament. Mutuaine mwagano zakale. Ni etwaje mpido. Mutua tatu. Ni David. Et Daoud. David était encore tout jeune, habitué à garder les bêtes de ses parents. Ses frères sont allés à la guerre. Va amener à manger à ses frères qui sont front. Il est arrivé au front. À gardien wa ration. Il a donné à l'intendant la ration. Eux-mêmes sont où? Ils sont là au front. Il est allé au front. Il s'est approché. Il a trouvé là un homme. Munene, géant, Kafukoma, Nampanga. Na ma protection. De la Kujikinga. Kama Mungu asichunge. Si Dieu ne garde, celui qui veille, veille en vain. Il est arrivé là, il s'est dit. Ce monsieur là. Petit. Le petit. Viens d'abord. Tu es allé faire quoi là-bas encore? Je suis en train de poser la question au sujet de ce vieux-là. Comment on est tenté d'outrager les dieux d'Israël? Cet homme-là, nous avons tous peur de lui. Dit, non, vous avez peur de lui en vain. Il n'a pas la force. D'abord, il est tenté d'insulter les dieux d'Israël. Moi, je vais me battre contre lui. Ses aînés, je vous dis vrai, je vais me battre contre lui. Mungu wetu, votre Dieu, il faut que m'expérimente. Il n'a pas ça que m'onja. Kuya convaincu, être convaincu que Mungu wetu, que notre Dieu, ni wa majabu. Soit convaincu que notre Dieu est terrible. C'est que toi tu commences là. Va voir le roi. Le roi, c'est ma roi. Kuko petit moyo ku David. Au roi, il y a un jeune homme ici. Il est si téméraire là pour dire non, il va se battre contre Goliath. David est allé devant le roi. Il est venu se battre contre Goliath. C'est celui qui va se battre contre le Philistin. Je vais lui donner. C'est vrai, c'est moi. Moi, je vais me battre contre lui et je vais le terrasser. Est-ce vrai? Ça va? Oui. Dit, comment est-ce que tu vas le faire? C'est magnifique, on a expérience. Non, j'ai déjà fait des expériences. J'ai gardé les troupeaux. Un ours est venu. Il a pris une brebis. Moi, je l'ai saisi de mes mains. Je l'ai ouvert sa gueule. Et j'ai arraché la brebis. La foi est basée, fondée à des racines. J'ai gardé mes troupeaux. Chimba na kuya. Les lions sont venus. Je fais ceci. Et celui-là, dois-je avoir peur de lui? Tu peux mettre toute l'armure. La on lui a fait porter toute l'armure. Mama. Il s'est tenu là. Il a dit, ça pèse. Enlevez-moi ça. Moi, je vais me battre contre toi. Au nom de l'Éternel. Mes frères, mes soeurs, ayons la conviction qu'il n'y a pas de combat où Dieu échoue. Tous les combats que tu as amené, toutes les guerres que tu as amené, le vainqueur est ici. On a vu seulement les jeunes hommes venir avec une lance-pierre, la kamufuko yake. Là, il y avait 5 pierres. Et Goliath a regretté. Il s'est dit, vous voulez faire mourir seulement ces petits pour rien. Vous m'avez envoyé un homme de ma taille. Vous m'envoyez seulement ces petits ici. Être vraiment un homme considérable, ce n'est pas. Ni où est condamné nous. Alléluia. Amen. Petit en enda. Le petit s'est avancé. Goliath en a sema. Goliath s'est dit. Leo ni kona kukata mpanga na epe yangu. Aujourd'hui je vais te décapiter. Petit anasema, paka mpanga kwa sababu ndio utakata nayo. Je vais utiliser seulement ton épée pour. Ana kamata pa karibu eh. Il a pris seulement la pierre. Ana pika. La lancé. Mungu anabeba karibu eh. Il a pris cette pierre. Ana yajiste. Pour l'orienter. Bale bari kuya ntundu. Là où il y avait Goliath. Le Goliath est tombé. Bale bari kwa kumkongo ya Goliath. C'est derrière Goliath. Bana ngata bila anaanguka. Voyant comment Goliath est tombé. Bana zambio. Israël anangaria. Israël voyant que et le combat a changé. Notre Dieu change les circonstances. La prière Maombi change les circonstances. Alléluia. Amen. Anachofa pa Goliath. Il s'est avancé là où était allongé Goliath. Kichwa. Il a coupé la tête de Goliath. Il prend l'épée, il prend la tête pour la relever. Nava ennemi banaona. Et les ennemis virent la tête. Les enfants de Dieu aussi. Vita ina changé. Et la guerre a changé de camp. Frère. Doukou. N'accepte pas que les gens t'applaudissent. Wakati uko mu désordre. Alors que tu vis en désordre. Le jour où les gens sauront tes faiblesses. Ce sont les mêmes gens qui vont vraiment se moquer de toi. Voyez-vous comment vous avez bougé les têtes. Il ne faut pas accepter que les gens puissent t'applaudir pendant que toi tu marches tu en désordre. Les jours où ils sont, ce sont les mêmes gens qui vont se moquer dans notre foi. Celui qui doit nous applaudir, celui qui doit nous jeter des fleurs, il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous jeter les fleurs. Alléluia. Amen. Et il dit Daniel. Na kukakua sasa Danieli. Alikuwa mkaptivite. Yalikuwa mkifungo. Wanaleta loi. On a mis une loi. Que mon espace est à 30 jours. On a imposé une loi qui est au masiku makumi tatu. Bantu bote baombe mungu na mfalme Darius. Devait prier au nom du roi Darius. Selon la loi des Mèdes et des Perses. Kufatana na sheria wa Medi na wa Persi. Loi yote. Loi yote. Toutes les lois. Enikuya inja neno ya Mungu. Qui sont conçues en dehors de la parole de Dieu. Aina acheba toto ya Mungu. Ce ne sont pas des lois à être appliquées par nous enfants de Dieu. Tena bia vile hapa sasa. On ne prêche plus sous ce neno sola, ya Mungu, la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Reste la parole de Dieu. Loi yote. Toute loi. Kaba na kupeleka inja ya parole. Si ça te conduit en dehors tu de la parole katala. De Dieu. Tu la rejetons. Cheye. Tuko propriété totale ya upeke ya ule alitukomboa de celui qui nous a sauvés. Mais tuko bantu ya l'état. Mais nous sommes de l'état, les agents de l'état. Conformément na neno ya Mungu, kufuatana na neno la Mungu. Nous respectons l'État. Tunaheshimia serikali. Tuko naombea ba chefu yetu ba autorité bote. Nous prions pour toutes nos autorités. Mais tuko na loi. Mais nous avons une loi. Yenye kuwa yulu ya maloi yote pa dunia. Au-dessus de toutes les lois de ce monde. C'est cette Bible. Ni Biblia. Donc muntu wote anapaswa respecter. Nivusema, chacun de nous doit respecter. C'est ça la fin de l'histoire. Injo mwisho hadisi. Muntu wote aheshimi neno. Que tout homme respecte. Daniel anasema mie. Daniel kulomba Darius. Prier au nom de Darius. Nakatala. Ça, je refuse. Anaenda mshambre yake. Il est allé dans sa chambre. Anafungula milango. Il a ouvert les fenêtres, la porte. Ça il en a. Encore combien? Ah, ça va, c'est bon. Que je te bénisse. Je suis un bon diacre. Alléluia. Amen. Anafungula milango. Il a ouvert les portes. Il a prié. Et les espions l'ont suivi. Même pendant que nous prêchions dans l'église, il y a des gens là. Lui n'est pas venu pour la prédication. Il est venu pour suivre comment on prêche. Ici, tu vas souffrir. Et même toi-même, tu finiras par reconnaître que ce qui est prêché ici, c'est la vérité. Et tu ne sortiras pas. Toi aussi, tu vas croire. Alléluia. Amen. Anasema. Il a dit. Oui, tu n'as pas fait que la roue. Tu es l'ami du roi. Non, tu commences à prier comme ça. Sema pan. Mais non. Respecte pas comme moi. Moi, je ne respecte que Dieu. Maintenant, ils sont allés voir le roi pour lui dire que non. Ton ami là, il ne prie pas en ton nom. Alors on va te jeter dans la fosse au lion. Même si vous me jetez dans la fosse au lion, et que je meurs, na mini résurrection. Je crois en la résurrection. Na mini fufuko. Même si vous me mettez dans la fosse au lion, Dieu que je sers, atanitosha. Me sortira de cette fosse. Convaincu. Mwenye kwa kikishwa. Concerné mwenye kwa mwenye, na mwenye mambo kama unaitika sema hii neno inakuwa si tu reconnais et tu acceptes que cette parole devient tienne, unapashwa kuibeba, tu dois la prendre. Na njo maana basamani, voilà pourquoi les anciens, wakati balikuwa na imani, ils avaient la foi, balipokea ushuhuda, ils avaient reçu un bon témoignage. Imani, la foi, yashipo ushuhuda ya mzuri, sans un bon témoignage unalanda, là tu mens. Amen. Amen. Nibongo na landa. C'est un mensonge. Maintenant, un nouveau testament. Wagano jipya. Dieu a kwenda haraka. Pour aller vite. Bote. Tous. Bale bari chikaka. Ceux-là qui avaient accepté. Neno ni abia kweli. Cette parole est vraie. Balikuwa convaincu. Balikuwa na kikisho. Ili bangalia. Et cela les concernait. Utaona Jésus en prêché. Vous verrez Jésus est prêché. Anahubiri. Il prêche. Car les gens ont toujours cherché à être dorlotés, flattés. Mais lorsqu'on touche, on condamne sa vie. Là, c'est maintenant un problème. On disait à Frère Branham que prêcher, tu prêches bien. Mais voilà pourquoi tu t'attaques contre les femmes. Au lieu de les laisser à l'aise. Tu parles contre elles sur des petites choses. Comment laisserais-je tranquille les femmes et prêcher les calculs, les choses difficiles, alors que tu ne peux pas continuer pour venir à Badjoué. Alléluia. Amen. Sa prédication. Les gens considéraient cela comme si c'était une prédication contre les femmes. Frère, s'il y a un homme qui a prêché durement contre les femmes, Dieu a banamuke, contre les soeurs, Dieu a badada, c'est Frère Branham, Doug Branham. Si vous lisez le message, anasema, il dit, il est ma façon ya kuipenta, la façon de se maquiller, ya kueka weka ma bintu, de se mettre des fards, bina kuya inime, et natoka mubumuntu. Tu ne parais pas comme un être humain. Sema, bile bia bile apana. Des choses pareilles, non, ma soeur. Mais si aujourd'hui on prêche comme ça, oh, on commence à nous demander de laisser les gens tranquilles. Nous, tranquillité, c'est en Jésus, dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que je ne suis pas encore dans la parole de Dieu, et l'église de Dieu, et le monde ne peuvent pas marcher ensemble. Quand vous allez commencer à marcher, et vous êtes à l'aise avec les gens du monde, sachez que c'est maintenant votre chute. Le monde ici, ça n'a plus de place ici. Ce qui a une place ici, ce n'est que Jésus-Christ. Et quand Jésus pouvait, j'ai prêché, les autres sont moi partis. Mwende, vous n'êtes pas partis. Pierre convaincu. Pedro, qui s'est occupé de la Kikishu, à Kasema. Ni kwa nani tu t'aenda tena? Tu vois les paroles de la vie. Oui, njoko na maneno ya uzima milele. Moi, mon connaisseur dans le message. Vous vous jouez avec le message. Posez la question à nous. Mire, mina moi, j'ai commencé mambo ya Mungu, la parole mambo de Dieu. Ya Bubu. Dans l'église catholique. Ce n'est pas votre catholique d'aujourd'hui. Il est à prêtre bazungu. Nous avons commencé avec les prêtres blancs. On passait nuit avec eux dans une même chambre. Le soir, on va au deuil pour donner la cigarette aux hommes, aux gens. Ce n'était pas la cigarette, la bonne cigarette, mais les tabacs ici, et on donnait ça aux gens pour fumer. Et on trouvait que c'était une bonne façon d'aider les gens au deuil. Et pourtant, on les détruisait, on les tuait. Après, j'ai observé un peu la conduite. Ce n'était pas une bonne conduite. J'ai quitté. Je suis allé chez les pentecôtistes. Ma prophétie, là, il ne croit pas que ma tabiri, pas ma tabiri. Ma vision. Ma ogno. Mes paroles. Mais il n'y avait pas la parole. Minatoka, j'ai quitté naenda musem, pour aller dans Sem. Ma 30e. Ma 30e. Ma station Kamalondo. Station Kamalondo. Mina kawia mule. Là, j'ai mis longtemps. Mina ngaria mkanisa. J'ai regardé dans l'église. Qui kabila terrible. Le tribalisme. Kanisa ya Mungu. L'église de Dieu. Amikala ke fanatisme ya kikabila. Amuna upendelevu ya kupendana kufatana vile Mungu makabila moya. Laissez-moi vous le dire. Laissez-moi vous en parler. Ici où je prêche, on n'a pas besoin d'un lamba pour venir nous prêcher. On n'a pas besoin d'un sanga pour venir prêcher. On n'a pas besoin d'un luba pour prêcher. On n'a pas besoin d'un luba pour prêcher. On n'a pas besoin d'un bref pour Mukifupi. On n'a pas besoin d'un n'importe quelle tribu pour venir nous prêcher. On a besoin d'un lamba pour appelé par Dieu Batubiri, pour venir nous prêcher Aizur Kabila Yake, quelle que soit sa tribu, Atubiri, neno, mais qu'il nous prêche la parole et cela puisse sortir en nous les démons pour recevoir le Saint-Esprit et que nous allions dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Kabila Yake, nous n'avons pas besoin de ta tribu. Minatoka naenda muneo. J'ai quitté Sem pour aller dans Néo. Pourquoi je suis allé chez les Néo? Un bon nom, une bonne dénomination. Des 12 apôtres. Kanisa, Wamitume Kuminabili. J'ai dit ça, c'est la vraie église. Je suis allé là-bas, fou. Avez-vous vu un diacre distiller l'alcool? Préparer l'alcool. Il est en train de préparer la kupika lutuku. Berger, Mchungaji, kujisha mantumbako, iva la cigarette, kupika bibi, taper sur sa femme. Ima ubiri tunaubiri yaka. Les prédications que nous kuyubiri, c'est prêcher, na kuitumikia, mettre en pratique. Kama una mesure ya kuitumikia, de mettre en pratique la prédication, arrête de prêcher. Même si on tu reconnais que ton esprit n'est pas correct. Il ne faut pas te calmer, tu vas te retrouver en enfer. Dis seulement au conducteur que moi j'ai un démon d'adultère. Dieu va te bénir. J'ai quitté l'église de l'apostolique pour aller chez les témoins de Jéhovah. C'est là où je suis parti. Dès là, je suis parti vraiment zéro. Je suis allé chez les Ngarengas. Garengas, ce sont des bons gens. Déjà bien. La Kiribama Osombili, on a fait. Je suis allé chez les Zambé Malam. Là, le pasteur est chef, le grand chef. Ici, notre chef, c'est Jésus-Christ. J'ai quitté l'église de Zambé Malam. Je suis entré dans l'église de Zambé. Je suis passé dans beaucoup d'églises. C'est alors qu'on m'a prêché. Toutes ces églises que tu fréquentes. Mais il y a une église qui est venue. Parole. Prêcher seulement la parole. J'ai eu ce message. Depuis que j'ai eu ce message, dans ma foi, j'ai cette conviction qu'il n'y a pas une autre vérité. Alléluia. Amen. Ainako. Ça n'existe pas. Depuis que j'ai eu ça, je suis resté assis dans le message 41 ans. Aina problème ya miaka. Ce n'est pas un problème d'ancienneté. Atona kawia message. Même si tu es un ancien dans le message, le problème c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour confirmer que Dieu t'a acquis sa parole. Nje ya ujumbe. Tuko convaincu. Nous avons la conviction. Qu'il n'y a pas un autre message. Muntu mwingine alikuwa convaincu. Quelqu'un d'autre qui avait ni le centenier. Ni ule centenier. Alikuwa mtoto wa malari. Il avait un enfant malade. Anaenda kwa Jésus. Il est allé voir Jésus. Je viens chez toi. dit non, ne venez pas chez moi. Parle seulement. Moi, je suis un grand chef. Je suis un général. Dès que je dis à si je dis à un autre, si tu disais c'est ma même là où c'était mon enfant, il recevra la guérison. Alléluia. Amen. Mingi sera dans mon Nouveau Testament. Nombreux dans le Nouveau Testament. Mais quoi vraiment convaincu? Était convaincu. Mais quoi nakikisho? Attends le temps mon amour. Même cette fille. Voilà mon couvouya. Qui perdait le sang. Il a coupé le croissant et a perdu le sang. Aïe quoi que c'est ma période y a moins. Ce n'était pas qu'il était pendant la période de ses règles. Non, c'était une maladie. Il quoi qu'il m'a gonjoua. Il va qui a mis à kaya ming et qu'on a perdu. Elle a passé beaucoup d'années à perdre le sang. Il est allé voir des médecins. Il a changé de médecin. Aujourd'hui, il pouvait passer au scanner. Anaenda kuba tradi. Il pouvait passer chez les tradis. Makuta inaisha. Dissiper tout son temps. Elle s'est dit, Léo, aujourd'hui, ma maladie doit prendre fin. Tabamba tu kuile ndandia ke ni kokonvenki que ma gonda kwamba que ma maladie va partir. Oui Mungu tu konaye. Le Dieu qui est avec nous. Ni Mungu wa byakwe. C'est un Dieu vrai. Bile misha kuona. Ce que j'ai déjà vu. Bile Mungu yako nafanya. Ce que Dieu fait. Abandonner bintu byote bibaya. Acha toutes les mauvaises choses. Bamba neno ya Mungu. Saisis la parole de Dieu. Tu témoignes. Va aussi témoigner ou t'ashuhudia. Il a touché la robe de Jésus. Madame, il a touché un pan. Immédiatement, les sangs sont arrêtés. Qui m'a touché? Yesu akasema nanane nikusa. Petro dit, je ne comprends rien. Il y a beaucoup de gens qui te pressent. Qui m'a touché? Tu dis, oh non, nanane nikusa. Non, ce n'est pas un problème des gens. Il y a une personne qui m'a touché. Pas la foi. Kwa imani. Je sens une force m'a quitté. Cette femme s'est jetée à ses pieds de Jésus pour dire, c'est moi qui t'ai touché. Yesu akasema wende. Imani yako inakuponya. Kama mtu yuko convaincu, si quelqu'un est convaincu na kikisho, anafanyaga bintu, il fait des choses, même moins conscience, hata kosa kujua, na sio impact ya bile bintu. Eh, asijue matokeo itamfia ni nini? Ni ba mitume. Ce sont les disciples. Banafu, bale bale muamini Jésus mu Nouveau Testament. Ceux qui ont cru Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Wakati na leader yanda kuderanger imani yabo. Lorsque les églises bale ba obligé ba fuate na doctrine. Baka basonga songa pour qu'il puisse suivre. Mais banakatala. Mais eux ont refusé. Banasema kama ni kufa tukufwe. S'il faut mourir, que nous mourions. Il faisait tout cela sans savoir que il fallait qu'eux meurent. Ils gardent la parole. Toute restauration et lieu. Pour que ce message il pas pour dire pour que Malachie 4 ait un impact, il fallait que eux meurent à martyr, que la parole de Dieu soit gardée, enfin que l'imani et que notre foi soit restaurée à la foi apostolique. Frère, là que tu es assis sur la chaise, cette parole te soit prêchée, les autres sont morts à cause de ça. Barikufwa, ils sont morts pour que nous soyons retournés à la parole de Dieu. Pour que Malachie 4 ait un impact. Ait son impact. Amen. Amen. Sasa, nashaye, nous aussi, voyant tout ce que les autres ont fait, nous devons être convaincus. Tu n'as pas choisi d'aller à Kikisho. Que malako ya Mungu yote. Et toutes les promesses de Dieu sont vraies. Disons Amen. Malako ya Mungu toutes yote les promesses de Dieu sont vraies. Parmi ma malako, parmi les promesses yeto, concernant notre âge, nous prenons seulement je vais vous préparer une phase. Phase. Après que j'ai préparé, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Traduction, la traduction anglaise dit qu'on a dit qu'il y a une sécurité. afin que là où je serai en sécurité, voilà, où je vais préparer une place sécurisée, que vous y soyez aussi en sécurité. C'est pour vous dire que quand on est allé nous préparer une place, c'est parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, il n'y a plus de sécurité. Hakuna ukingo. Ce n'est pas un il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Hakuna ukingo ndani ya ni réalité. Mambo ya kweli vile hiko. La science elimu se détruira elle-même. Il te jaribu yo inyewe. Ima bon bébé qu'on a foi ya. Ils sont en train de faire. Je suis à la biche. On peut terminer Marco. Tu n'as pas choisi convaincu. Tu n'as pas choisi na ile akikisho. Na ima sauti. Avec cette ces paroles. Aenda kutarisha fashi. Il est allé nous préparer une place. Hivi kule mimi nitakuya. Enfin, là où je suis. Na moi mkuye. Que vous y soyez aussi. Marc 16. Marco 16. Puis il leur dit, onyesha, allez par tout le monde et présentez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et qui ne croira la pas qui nous stamini, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. Que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, et comme je suis convaincu que cette parole est vraie, elle nous concerne, elle est les chrétiens véritables, ils n'ont pas peur du poison. Si toi tu n'acceptes pas, si tu mettais du poison contre moi, sans que je le sache, je prends ça au nom de Jésus. Je ne peux pas mourir. Et puis, guérison, matunzo, ni droit yetu, c'est notre droit. Je n'ai rien. Nous avons peur de prier pour les hommes. C'est parce que nous pensons qu'il y a quelque chose de nous. Nous n'avons aucune part dans cela. Celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toute maladie, c'est le Dieu du ciel. J'étais quelque part en train de prier. Une sœur avait quelque chose dans son ventre. Il fallait pas opérer. Il fallait qu'on puisse intervenir. Il était à l'étranger. Il fallait qu'il quitte cette province pour aller dans une autre. J'ai prié pour elle. Elle est allée dans cette province, on devait intervenir. Ils ont fait des examens. Docteur Anasema. Et le médecin dit. Mais la radio ici montre quelque chose. Mais la radio ici indique. Radio mais l'examen que nous venons de faire. Mais montre qu'il n'y a rien. Non. Tu es convaincu. Soyons convaincus. Léo. Aujourd'hui. Bagutoka. En sortant d'ici, même si on ne t'a pas imposé les mains, accepte dans ton cœur que Dieu est le médecin. Je suis parti dans un territoire. Là, on était tenté de vanter la sorcellerie. Je suis monté à la radio. Radio qu'on a 380 km. Et cette radio communautaire, ça répond dans un rayon de 380 km. Il a touché Zambie, Tanzanie, la partie à Kalemie. Et une partie de Kalemie. J'ai prêché. Je suis ici. Moi, c'est Nikwapa. Pendant deux semaines. Majuma Mbili. Jina yangu. Mon nom. Niko Kizabi. Kizabi. Kasiulwe. Kasiulwe. Lufungulo. Ngulo, Mwengezi, Mwengezi, Luamari, Yusufu. Ushilande, ushiloke muntu mungine. Il ne faut pas aller ensorceler quelqu'un d'autre. Numéro ya téléphone. Mon numéro de téléphone. 0 81 45 30 851. Adresse à Nyumba Yam. Adresse là où je suis, ma maison, à tel endroit. Luca. Saute, vole, vole dans ta sorcellerie pour descendre seulement sur ma maison, pour me tuer. Na shuka ku radio. Je suis descendu la radio. Bantu banasema banaita. Ils ont appelé. Banasema imukini. Dans cette abahubiri yake vile. Dans cette territoire, on ne prêche pas comme ça. On a ridete ya mambo. Tu t'es attiré seulement des problèmes. Ni ubiri expressement vile. Ni ubiri kumakusudi. Tu n'es pas convaincu. Car j'avais la conviction. C'est la conviction que notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Arifufuka. Il est ressuscité. Naléo. Et aujourd'hui, il est vivant. Un homme qui était dans cette église-là, membre du conseil de l'église, il est venu me voir, me suivre, frère, dit, Douk, s'opoque avec les sorciers. Dit cet homme ici, comment est-il entré dans le conseil de l'église et a une telle foi? Nous, on n'a pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur de sortir. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans cette fois-là, d'avoir peur des sorciers. Tous ceux qui parlent de sorciers ne croient pas. Nous avons les grands sorciers. Ou tu m'as maître marabout, oh, tu m'as maître flat, tu m'as maître flani, tu m'as maître kanka. Et puis, tout qui est dans le message. Aïna, papa, tout en ligne où je fais. Vous connaissez ma domaine à ma rôle chrétienne. Et puis vous retrouvez dans des loges mystiques. Vous êtes dans les loges mystiques. Vos prédicateurs vous ont causé du tort. Et vous-même, vous êtes offensé. Vous ne pouvez pas être dans ce message. Au même moment, tu sers les démons. Il y a deux possibilités. Soit tu t'as kimbia, soit tu t'as changé. Soit tu vas changer, tu as badirika. Deux ans après, je suis rentré dans ce territoire. Je suis rentré dans ce territoire. Je suis allé à la même radio. J'avais prêché. Je suis revenu en vie. Vous ne m'avez pas ensorcelé. Maintenant, voici mon numéro. Si vous avez un problème, appelez-moi. Je vais prier pour vous. Il est appelé, il était paralysé. Quoi, ça vous pose? Vous allez prier pour lui. Pas les, il s'est mis debout. Moya alikuwa na cancer de pied. Ilikuwa na cancer ya miguu. Nikulu inaoza kuanzia magoti. Le pied se sont fika na kule chini. On pourrit depuis les genoux. Bana mutunza we. On l'a soigné. On a prié seulement. Anaenda ku hospital. On est allé à l'hôpital. Bana pakala pakale dawa la zoku pakala dawa pa gonjwa ishi. Les mêmes produits qu'on a appliqué. Nikulu inakauka yote. Et cette fois-ci, le cancer est parti. Notre Dieu, Mungu wetu, nous sommes convaincus et concernés qu'il guérit toute maladie. Qu'on a pogné magonjwa yote. Alléluia. Amen. Dada yetu alikuwa na cancer ya uterus. Allez, le cancer du uterus. Anaenda ku hôpital. Il est allé à l'hôpital. Il faut coopérer. Non, bana pasha kumpasula. Excusez-moi, mais j'ai une fois 5 minutes. Accordez-moi 5 minutes, Samani. Ah bah, il faut la m'opérer. On devait l'opérer. Elle a eu peur. Elle est venue me voir à la maison. Elle a oublié. Elle est allée à l'hôpital. Mais toi, on devait t'opérer. Tu ne veux pas que tu passes. Mais tu es en train d'aggraver la maladie. Ça, il faut qu'on t'opère. Il n'a pas ça. Qu'on voit les médecins. Qu'on fasse les examens d'urgence. On a fait les examens. Mais je ne vois pas les traces de cancer. Mais si on a tanya ou moi à cancer. Mais je ne vois rien. Si on est quitte. Elle a dit qu'à mon kit, j'en ai gardé. Elle est tombée. À terre dans sa chaise là, il dit, elle est tombée dans sa chaise pour dire, Dieu m'a guéri, notre Dieu guéri. Tout convaincu. Tout qu'on a eu la kiki show. Alléluia. Amen. On a amené les enfants de cet âge ayant le sida. Jeudi. Comme Kazine. Après avoir prié pour les enfants, on les a amenés à l'hôpital. Les mêmes laborantins. Où les laborantins qui avaient fait des examens. Il y avait d'autres examens. Je ne vois rien. Il n'y a plus de traces de sida. Amuna ala makusema muna sida. En tout cas, il n'y en a pas. Bon, peut-être une fois, ma erreur, mon examen. Les erreurs, dans les examens. Aïna Sema, après deux semaines. Après, je suis pour moi. C'était après un jour. En a refaire ma examen. En a zoulou, ma examen. En ce moment, il n'y a rien. Mais dis-nous, Michel Ekip. La soeur dit non. On a prié hier pour eux. C'est terminé, Naïs. Normalisica. C'est fini. Et s'il y a l'affaire de l'homme là-bas, qu'il puisse se vanter. Apana. Non. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons arriver au point de dire que entendu parler de toi. Mais maintenant, je vois. Je vous ai dit le vendredi que l'église de Dieu, il y a une puissance. Puissance à vous sauver ma péché. Puissance à vous changer péché. Et devient chrétien. Puissance à vous guérir. Toutes les maladies. On a sorti un homme de l'hôpital. Non, rentre à la maison, tu vas mourir. Il n'y a rien à faire pour toi. Il est entré au coma. Il a entendu une voix qui lui dit que non, faites venir le frère Kizabi. Vous attendez sa mort. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. On nous a toujours considérés comme des aventuriers. Prions. Je les ai exhortés, nous avons commencé à prier. L'homme à l'état de coma. On a prié. Après avoir terminé, le malade a dit Amen. Et il a ouvert les yeux. Il m'a dit ah, c'est frère Kizabi. Comme on appelle pasteur. C'est vrai, comme on a l'habitude d'appeler pasteur. C'est moi qui t'ai appelé. Ceux qui attendaient sa mort ont tiqué. C'est moi qui ai fait appel à toi. Il voulait parler de ses affaires. On ne se répand pas à l'hôpital. On ne se répand après avoir écouté la parole. Dès que tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Même si nous avons un problème, Dieu va nous aider. Mais tu es convaincu. Mais soyons convaincus que, cette parole est vraie. J'étais endormi, j'ai terminé. J'étais endormi. 1h du matin. Au fil d'une heure du matin. Téléphone le téléphone a sonné. Frère, quand il y a des frères, quand vous l'appelez à 1h du matin, il va se fâcher d'une manière. Parfois, je trouve qu'ils n'ont pas le bon sens. Toi, tu n'aimes pas qu'on t'appelle. Comment peux-tu laisser ton téléphone ouvert? Tu ne trouves pas que tu te rends toi-même la tâche difficile? Voyez-vous comment vous m'observez. Quelque part, tu t'es rendu toi-même. Ah, tu ne veux pas qu'on t'appelle. Mais tu laisses ton téléphone ouvert. Tout coup et tout normal. Ayons le bon sens. Si tu es fatigué, tu ne veux pas qu'on t'appelle. Ferme ton téléphone. Même si tu ne mais si vous laissez les téléphones ouverts, accepte que les gens puissent t'appeler. Allô, frère. Allons, Ndoukou. Kassema, mon épouse est vraiment malade. J'ai dit, passe la main au téléphone, je vais parler avec elle. Non, elle ne parle pas, elle est dans un état critique. Ça va. Mouzouri. Pas la foi, tuombe. Kwaimani, prions. Nous avons prié un petit moment. On avait matériel, tout normal. On a prié normalement. 5 heures, minaïta. Et à 5 heures, j'ai appelé. Puisque ça monte, je monte à quoi grave. Comme en tant qu'humain, ça étant donné frère, qu'on a prié pour quelqu'un qui était dans l'état critique, comment ça va, mon frère? Il dit, après, ça va. Juste après avoir prié, mon épouse va bien. Elle est là en train de parler, elle a repris son état normal. Le Dieu de frère Ndaï, le Dieu de frère Kizabi, et frère José, ton Dieu est vivant. Tout celui qui irait voir un devin en a blasphémé contre le Saint-Esprit. Allez, en a koufuru, rom takatifu. Les autres, vous autres, vous ne dites pas amen, mais je termine avec ça. Namaliza Naï. Tout celui qui a l'habitude d'aller chez les devins en a koufuru, en a olé chassema, il prouve à chaque fois que son Dieu n'est pas puissant. Mais ce matin, à 11h, notre Dieu est vivant. Il est mort. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est ici. Il a dit, je ne vous laisserai pas faire là. Je serai avec vous. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Inclinons nos têtes. Et je fais appel à l'ancien. Dans ta prière d'aujourd'hui, n'aie pas peur de quoi que ce soit. Là où il y a ta maladie, manifeste cette maladie. Tu n'as plus la puissance. Jésus est mort. Alinikombola muzambi, uma gonjwa, la maladie, uma uzuni, tristesse. Je suis libre. Niko uru.